聞きください。

gendarme. C'est d'être toujours là quand on ne l'attend pas. La tactique du gendarme, c'est de verbaliser avec autorité. La tactique du gendarme, c'est d'être toujours là quand on ne l'attend pas. La tactique du gendarme, c'est de verbaliser avec autorité. Number three went by there. We don't have the best. We'll be right back. Pinche radio. Siempre grados es. ¿Qué es esto? ¿Chicle atómico? No mames. A ver. Eso es Pueblo González, baby. Iniciale.

shit, no stop and go at this time. Son.